Charline, la Belgique a été touchée, mais la Belgique se relèvera et c'est comme ça que vous allez nous en parler ce soir. Et elle est déjà debout, droite comme un i, Laetitia Gaillet. Allez, nous sommes là, on va passer une heure ensemble avec plus de gens que prévu autour de la table, avec bien sûr de la bière. Les amis sont là. Des amis et les auditeurs, et c'est le principal. Vous, allez. Vous êtes chaud comme des gaufres. Oui, bien sûr, comme une baraque à frites, comme tout. Allez, c'est parti, c'est parti. Salut les amis. Salut Guillaume. Ah bah vous avez pas la frite, dis-le. Bah, non mais t'as pas vu quoi. Non, j'ai pas regardé. Oh merde. Ah bah effectivement. Ah bah je suis belge. Alors merci Guillaume. Je pense les amis, le mieux c'est qu'on fasse pas l'émission. Ah non Alex, non on doit la faire. Bah c'est comme vous voulez, mais moi je pense que. Non t'as raison, on doit faire l'émission. Oui, enfin moi je pense. Ah non parce que je suis plus très sûr là. Bah si non, moi je suis convaincu, il a raison, il faut faire l'émission. Moi c'est comme vous voulez, mais moi je pense. Non mais vous avez raison, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai douté dans cette. Ah d'accord, chouette. Mais c'est vrai que si on y réfléchit, si on prend le recul, je suis plus sûr. Salut Juliette. Ça va, je vous ai apporté des bières. Gentil, ouais. Puis alors, bon, bah, du coup, je suis venue les voir avec vous. Évidemment. Salut les Belges! Ouais, Mélanie est là aussi. À ce qui sauve, c'est la musique, hein. Moi, je vous ai apporté des disques belges. Ah, t'as pas du chocolat par hasard? Allez les diables, allez les diables! Moi, je suis venu soutenir les diables rouges. Merci! Ça fait du monde, là. On va faire une bonne émission. Oh les Belges! Oh Marius! Ah, bah, je pouvais pas vous laisser comme ça. C'est gentil. Je me suis dit que j'allais vous raconter des blagues aujourd'hui. Non, pas des blagues belges. Bah non, pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Bon, bah là, on a plus le choix, là. Non, écoutez, il reste plus qu'à s'amuser ensemble et puis à trouver quand même des sujets, hein. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il faille vraiment trouver des sujets. Bon bah alors il reste plus qu'à s'amuser ensemble. Voilà. Et vive le roi. Ah non, on préfère encore boire. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et de tout cœur, bonjour Bruxelles la belle. Vous écoutez l'émission qui répond à la violence en faisant un immense moule frite avec l'actualité et en l'arrosant copieusement. Écoutez, on a de quoi faire, voilà. Et puis nous allons donc passer une heure ensemble en Belgique et on va travailler ensemble tous les accents et pas que le bruxellois qui n'est pas aussi facile à imiter que vous ne le pensez. Tchudy, le zile que du voisin a encore pissé sur les plantes. Après la forme, on passera au fond et à la philosophie bruxelloise qui se trouve souvent au fond d'un verre de bière, au fond d'un bistrot, au fond d'une rue pavée. Bref, au croisement de la pensée et de la poésie. Mozart, c'est un imbécile. Et pour entourer les Bruxellois aujourd'hui, il y aura aussi des flamands et de l'humour wallon. Il y a des fois, je me demande si je n'ai pas un aimant dans le dos pour attirer les affaires. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés mon compatriote, mon ami, mon binôme. Il est un petit peu mon caoué sous la drache. C'est Alex Vizorek. Merci Charline Vanhoenacker. Et c'est vrai qu'on vit beaucoup trop de choses de ce genre tous ensemble. Mais si c'est avec vous, eh bien, c'est moins dur peut-être. Et aujourd'hui, pour que ce soit moins dur, on a toute une belle équipe. Ils sont tous belges aujourd'hui. Juliette Arnaud-Teghem nous parlera de ces Belges qui lui ont fait aimer la France. Juliette, de quoi on parle alors de ça? Ben c'est ça, d'une Flamande plus particulièrement. D'une Flamande plus particulièrement. Mélanie Vandenbauer nous parlera de la musique belge et risque même de me faire découvrir des compatriotes. Non, j'ai surtout vous parler d'un grand moment insouciant, c'était hier soir, les octaves de la musique. C'est vrai, ce sont nos victoires de la musique. Guillaume Vermeurissen a eu en ligne son idole belge. Et effectivement, oui, en ces jours de guerre, j'ai contacté Johnny Cadillac, qui est belge et qui donne des conseils de bagarre sur Internet. Je lui ai demandé comment réagir face aux attentats. Moi, disons que ce serait bien si on envoyait 150 000 Johnny Cadillac en Syrie. Eh oui, malheureusement, oui. Il y en a qu'un. C'est une émission de solution. Samir Obdenbouadi parlera du plus grand entraîneur de tous les temps. Oui, absolument. Bonsoir Alex, bonsoir Charline, bonsoir à tous. Je vais parler de Raymond Goethals, le plus flamboyant des entraîneurs et des Belges, un être rare. Et Marius Colucci, une fois, viendra, j'espère, se foutre de notre gueule dans la grande tradition familiale. Oui, ben voilà, moi j'ai décidé de parler un petit peu à la dernière minute parce qu'on a tous été surpris. Mais donc j'ai trouvé aussi un sujet dans la belgitude. Eh ben, on se réjouit. Merci à tous d'être avec nous. Allez, comme chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité. Vous êtes né en 1830 lors d'une révolution déclenchée sur un air d'opéra, la muette de Portici. 1830, quand en France, une révolution renverse Charles X. Vous intronisez le roi Baudouin en 1951 quand la France lance cette généreuse idée du Beaujolais nouveau. Votre présence au Congo s'achève en 1960 quand À bout de souffle de Godard sort en salle. Vous êtes... La Belgique! Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, chers auditeurs de France Inter, on va passer une heure ensemble, sans autre prétention que de se faire du bien. Une sorte de câlin radiophonique. Une heure en pensée avec la Belgique, en pensée avec ceux qui sont toujours en terrasse, à Paris, à Bruxelles, Ankara, Ouagadougou, Bamako, en écoutant du rock, en lisant Charlie. Une heure avec la Belgique dans ce qu'elle nous offre de plus rigolard, avec quelques bières posées au milieu de la table, des amis. Parce que vous connaissez notre devise, puisque le malheur nous accable, avalons la douleur, là-dessus on boit un coup. La Belgique est un plaisir et doit le rester. Et d'abord, cher auditeur, je voudrais te remercier, toi qui nous envoyais depuis ce matin énormément de gentils mots. Merci à toi d'être belge aujourd'hui. Tu verras, c'est assez agréable comme sensation. Être belge, c'est être plus tranquille, être belge, c'est être plus souriant, être belge, c'est être plus exigeant, mais uniquement sur la taille de son col de mousse quand on lui sert une pression dans un bar parisien. Être belge, c'est aimer se disputer, mais entre nous, les Flamands aiment bien ennuyer les Wallons aiment bien ennuyer les Wallons, les Flamands, les Bruxellois comptent les points entre les deux. Et donc, nous, notre État nous suffit amplement à nous-mêmes pour se faire la guerre, on n'a pas besoin d'un autre État. Franchement, merci de vous sacrifier, les gars, mais vraiment, sachez que c'est nous, le pays des cons, et on n'a pas besoin que vous veniez nous prouver chez nous qu'il existe des gens plus cons que nous. Ça nous vexe, et ça nous vexe au point qu'on va même pas s'en soucier, qu'on continuera d'aller voir du foot à Anderlecht, qu'on ira voir des concerts du Grand Jojo à Forêt Nationale, et qu'on ira en famille acheter des mitraillettes à Molenbeek. Alors oui, alors la mitraillette, c'est un morceau de baguette dans lequel tu places, au lieu du jambon beurre, un burger, de la mayonnaise et des frites. Et notre mitraillette, elle arrose pas, au nom de Dieu, non, notre mitraillette, on l'arrose avec de la duvel, et la duvel, ça veut dire le diable. Ben oui, désolé les amis, nous on a de la sympathie pour le duvel, et surtout, je suis désolé de vous dire que, bon, on a gagné qu'une seule fois l'Eurovision, mais avec une chanson aussi ringarde que pertinente aujourd'hui. J'aime, j'aime la vie. Sandra Kim, 1986. Merci Alex Vizorek. Bon, les amis, on passe une heure ensemble. Oui. Rigolarde, on pense à Bruxelles, on pense à la Belgique. Et tiens, qui mieux que un certain Arnaud pour parler de Molenbeek, ce quartier de Bruxelles? Oui, c'est encore Arnaud qui en parle le mieux. On est en train de faire un truc de cette quartier. On a de l'eau chaude. Là, on a la télé en couleur. Il y a des gens qui habitent avec deux trous dans leur nez là-bas. Je ne suis pas une footballiste, je ne suis pas une communiste, et je ne suis pas une catholique, je ne suis pas une cycliste. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Oh. J'aime les garçons, et comme j'ai toujours dit, j'aime les aisés. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Oh. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ne disent rien du tout. Il y a des gens qui crève de faim. Et putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Jolie mademoiselle, prends mes mains, le samedi soir. soir tout le monde prend un bain. The rich may be rich and the poor may be poor. They all beat the shit out of each other. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. On est quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est Arnaud Estromaille sur France Inter avec toute la bande d'Annule Tout autour de la table, Alex Vizorek. Alors là, il n'y a pas d'ordre aujourd'hui, c'est dans n'importe quel sens, de gauche à droite, Mélanie Bauer, Juliette Arnaud, Marius Colucci, Samir Boisdi, Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker. Et comme dirait Arnaud, c'est un peu le bazar, tu vois, hein, et j'ai envie de donner la parole à Juliette Arnaud qui est venue aujourd'hui. Nous les Français, oui je me permets hein, devant vous Charline, avec nous les Français, on a tendance à s'approprier les Belges talentueux. Les talentueux surtout, hein, parce que c'est bon, au niveau des médiocres, on est servi. On a fini par se faire croire que Marguerite Yourcenar était française, ainsi que Jacques Brel, Benoît Poulvorde, Cécile de France, enfin elle, elle cherche un peu quand même, et Charles. Et puis parfois, il arrive que des Belges s'approprient la substantifique moelle de la France, j'ai nommé Paris. Ainsi, un jour, à la télé, j'ai vu apparaître une petite jeune femme blonde comme un champ de houblon, belge, bien sûr, avec une robe délicieuse et un accordéon, oui madame, et piquée à Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille, et en faire un truc encore mieux, oui, si, c'est possible, parce que justement, elle est belge, elle est flamande, donc avec des morceaux d'accent irrésistibles, qui l'eût cru, je dansais sur il est 5h, Paris s'éveille. Avec ce truc que je ne trouve que chez les Belges. Un sens de la loufoquerie, matinée de sincérité absolue, une pulsion de vie que ça te fait comme un bonbon qui pique quand tu le poses sous la langue. Bref, selon moi, la sensualité très spécifique des Belges. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Dieu m'est témoin, ceci évidemment n'est qu'une formule, je n'y crois pas, 4 secondes. Dieu m'est témoin, s'il a 2 minutes pour moi dans cette foutue journée, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait pas. Dieu m'est témoin donc qu'avant Anne Pirret, la curiosité de Paris à l'aube ne m'était jamais venue. De là à dire que la Belgique en son entier est responsable d'un certain goût que j'ai pris de l'aube, des nuits sans fin, de la ville qui s'éveille quand moi je n'ai pas dormi, et de tous les sortilèges qui l'accompagnent, il n'y a qu'un pas que je franchis. Oui Alex, cette petite passion coupable que vous ne cessez de dénoncer me vient de chez vous, des Belges, de la Belgique. Ça va être de ma faute. Que la Belgique en soit remerciée. Ne lâchez rien, s'il vous plaît, la Tour Eiffel a froid aux pieds sans vous. Juliette Arnaud, merci pour ce bel hommage. Je voudrais poser une question. Pourquoi c'est nous qui sommes loufoques et pas vous qui seriez trop sérieux? Parce que ça nous arrange dans ce sens-là. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On est loufoques. Mais nous, on aimerait bien être aussi loufoques que vous. Mais loufoqués. Mais bon, nous, on a Chateaubriand. Nous, on a des cartes. Victor Hugo, bien sûr. BHL, évidemment, c'est ça, la France. Alors, attendez, parce qu'autour de cette table, qui ne s'est pas un jour moqué de l'accent belge? Je m'adresse aux Français. C'est pas notre genre. Moi, c'est pas mon genre de moquer les accents. Non, parce que moi, dans mon dos, hein, quand je quitte le bureau 5 minutes. Vers 8h. Ou par exemple, quand vous dites chronométrez-vous sur vos GSM. Ah ouais, c'est comme ça. Bah, je vais vous dire. Écoutez, ça va être une leçon. Écoutez. Si t'es dans le nord, du côté de la mer, t'es en Flandre, le flamand, ça parle comme ça. C'est quelque chose comme ça. Il va te dire je vais sortir le parapluie parce que je sens que vient la drache. Répète. Je vais sortir mon parapluie, on va y avoir de la drache. Ouais. Après, tu vas un peu plus au sud. Et là, tu arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils n'y arrivent jamais. Le Bruxellois, il parle comme ça, comme toi et moi, enfin, surtout moi, quoi. Là, il dira jeudi, le zile que du voisin a encore pissé sur les plantes. Quoi? T'as jeudi, le zile que du voisin a encore pissé sur les plantes. Oh, jeudi, le zile que du voisin a encore pissé sur les plantes. Après, tu descends encore plus au sud. Et là, tu as Uccle. Uccle, c'est un peu le Beverly Hills de Bruxelles. Ils essaient de se faire passer pour des aristocrates en mangeant les frites chaudes. Donc ils parlent un peu comme ça avec le cou tendu. Le mec, il va te dire hey, ce serait super sympa de manger une couque en C4. Ce serait super sympa de les manger une couque en C4. Super sympa. Super sympa. Après, tu descends encore plus vers le sud. Et là, tu arrives en Liège. En Liège, je vous parle comme ça. C'est un petit peu comme un Suisse, si tu veux, mais qui aurait mangé des gaufres tout l'après-midi avec le nez bouché, si tu veux. Tu parles comme ça. Des quoi? Des gaufres. Des gaufres. Des gaufres. Des gaufres. Voilà. Le I devient un E. Tout l'après-midi, j'ai mangé des gouffres tout l'après-midi. C'est Charlie Dupont dans Il était une fois, le film de Christian Meret-Palmer. Tiens, autour de cette table, par exemple, à Marius Colucci pourrait faire le zineque du voisin encore pissé sur les fleurs. Le zineque du voisin encore pissé sur les fleurs. Ouais, c'est pas encore tout à fait ça. Mais la Niboer, peut-être. Moi, je sais pas ce que c'est le zineque. C'est un chien bâtard. C'est un petit chien. C'est un mec qui ressemble à rien, quoi, qui est proche du rat, à mon avis. Mais c'est le chien qu'on a trouvé dans la rue, quoi. C'est un zineque. Déjà, on comprend déjà pas tous les mots. C'est quand même compliqué pour faire les accents. Mais ce serait sympa d'aller manger une gaufre avec l'accent liégeois si vous avez suivi Guillaume Meurice. Une gaufre, je sais qu'il faut traîner. Moi, je viens de l'Est, alors je traîne un peu les mots comme ça. Ouais, vous pourriez faire l'accent de Liège, alors vous avez tout pour ça. Ah, il faut quoi? Il faut rouler les airs. Comme le nez un peu bouché, quelque chose dans la gorge. J'aimerais bien manger une gaufre. Ouais, d'accord. Ouais, non, c'est nul. Il est sur la route. Il est sur la route. Il est pas arrivé. On s'était dit qu'on allait bien essayer, mais bon. Soit. Est-ce que l'un parmi vous a un souvenir particulier de Bruxelles ou d'une image de la Belgique? Alors moi, justement, j'ai un souvenir de Bruxelles, effectivement, où j'étais allé pour faire une émission, une formidable émission belge qui s'appelait Nos Beaux Weekends. Nos Beaux Weekends. Mais oui, c'était l'émission d'humour par excellence. Par excellence, qui était présentée par un homme déguisé en vieille femme. C'était très très très, très drôle. Voilà. Oui. C'est une émission qu'on n'a jamais vue en France et c'est bien dommage. Je suis pas sûr. Faut le dire vite. Et les Belges que je croisais, je leur disais, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Voilà, en touriste français, quoi. Ils me disaient, non, c'est nous qu'on a l'accent. Alors je leur disais, non, ici, c'est moi qui ai un accent. Et ils voulaient pas en démordre. J'ai jamais su si c'était de l'humour ou de la simplicité. Mais ça doit être un petit peu le complexe du Belge vis-à-vis de la grandeur française, hein, Marius. Oui, bah, moi, justement, je préférerais avoir des complexes français vis-à-vis de la simplicité du Belge, en fait. Mélanie Bauer, dans votre vie de DJ, Bruxelles et la Belgique, c'est un passage obligé, quand même. Ouais, plein de choses, il y a plein de musiciens, il y a plein de studios pour enregistrer, il y a des appartements beaucoup plus grands que chez nous, gens beaucoup plus sympas, beaucoup plus détendus, ça c'est pas une légende. Vous êtes sympa, parce que quand même il faut qu'on vous le dise. Mais c'est pour ça que Bernard Arnault, il est parti là-bas. Mais en fait, les gens sont pas. Moi, je pensais que c'était pour le pognon. En revanche, ils s'emmerdent un peu au bout d'un moment, les Parisiens. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Mélanie, là, pour faire la fête, la Belgique, c'est une bonne adresse? Absolument. Mais absolument, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est plutôt Liège. C'est. Que Bruxelles. Moi, je connais que Bruxelles. Ah, bah, allez à Liège, parce que Juliette Arnault. Et Gand, et en théâtre. Et Anvers. Vous avez déjà joué à Bruxelles, ah, j'imagine. Oui, tout à fait. Je vais pas dire dans quel endroit, parce que c'est sûr, je vais jamais rentrer à la Comédie Française à ce théâtre, rythme. C'est un truc érotique, c'est un spectacle un peu spécial. Non, mais en fait, Juliette, c'est foutu pour la Comédie Française. C'est terminé depuis longtemps. Ne dis pas ça. Si ça, je trouve ma mère écoute, elle va être très triste. Vous avez joué chez Madame Gertrude, un truc comme ça? Non, mais c'est horrible parce que j'ai joué dans un endroit dont je vais pas dire le nom. Non, mais juste, enfin, quelques années avant nous, Marc Dutroux avait fait des sketchs dans ce lieu. J'ai vu les cassettes. Il n'a pas fait de sketch. Il a fait des sketchs, je l'ai vu, j'ai vu les cassettes. Vous imaginez l'info que vous donnez. Personne ne savait qu'il avait été mort. C'était un spectacle de marionnettes. Je vous affirme. Avec des vrais enfants. Tu vois, Alex, rien n'est perdu, Alex. Ça, tu vois. Voilà. Ça fait 29 minutes qu'on parle de la Belgique, non, même pas 20 minutes, on est déjà à un point pédophilie, ça commence à être super. Voilà, voilà. Alors moi, je vous propose qu'on parle plutôt musique avec Mélanie Bauer, qui est aujourd'hui spécialiste pour venir nous entourer et passer une heure tous ensemble. Oui, allez, je vous ai entouré, je vous entoure. Oui, absolument. Entourez-nous. Alors c'est vrai que quand un ami souffre, on se sent tout con, on lui tient la main, on lui tend son mouchoir, on le prend dans nos bras, on l'entoure, ou bien on est Mélanie Bauer. Alors bon, on dédramatise bêtement, par pudeur, on change de sujet. T'as vu la cour de cassation, là, Bismuth On est un peu coincé, on est gêné, on fait des blagues pourries, ou bien on se souvient du bon vieux temps. Oui, souviens-toi, mon ami belge, c'était hier soir, on était insouciant, la 13e cérémonie des octaves de la musique. C'était dans la salle toute rénovée de la Madeleine à Bruxelles. Tu te souviens, hier, on disait, l'événement a pour objectif de mettre en lumière tous les styles musicaux qui font la richesse de notre communauté. On était dans la communauté hier soir. Et puis, on aimait le jazz, le rock, la chanson, le classique, le hip-hop. Et pour la 13e édition, les octaves décernaient le prix de l'album de l'année à Roscoe pour Mont-Royal, un disque un peu chic, chiant comme un bar décoré par Stark, vous voyez, à peu près. Si c'est pour dire du mal de nous aujourd'hui, merci d'être venu. Le prix de la tournée, on ne sait pas si c'est de la picole ou de la scène, a été attribué à Starflam du rap classique. Ah oui, oui. Et pour l'artiste de l'année, hier soir... Rap classique, c'est qu'ils font des vocalises ou... C'est que... Non, mais c'est qu'ils sont, ils sont classiques, d'accord. Un peu de vocodeur, ah, oui. Ils ne sont pas contents, tout ça. Mais c'est Mr. Gay. Oui, d'accord. D'accord. Hier soir, on était donc Fleur Bleue aussi à Bruxelles. Le prix de l'année et de l'artiste de l'année allait à Nicolas Testa, un garçon qui aime bien la nature et qui chante les arcs-en-ciel. Ah. Bah là, il chante pas, mais ouais. Il va chanter après. Qui aime bien la drogue aussi, a priori. Ah, on était insouciants hier soir à Bruxelles. Ouais, ouais. On était bien. Est-ce que c'est pas en entendant ça qu'ils ont eu l'idée? Alors, côté chanson française, le prix allait à Karim Garbi, un garçon qui sait pas mais trop. Il est pas français, lui, du tout, avec un nom comme ça. On sait pas trop. Mais lui-même, c'est ça veut dire. Le prix de la chanson en français, donc, hein, c'est Karim Garbi, un garçon qui sait pas trop d'où il vient. Ben, j'imagine que quand on est au sud, on peut venir de l'ouest. Aussi, effectivement. Sauf que moi je viens d'ici, mais mon père vient du sud. C'est ça. Mais les, sans doute que les ancêtres de mon père, en étant au sud, venaient de l'ouest. Ok, je vous confirme, il est belge. Voilà, okay, il est chanteur bon. Et il est aussi comique, hein, vous l'aurez bien compris. C'est ça qu'il chante. Ah. Ouais, comique. Moquez-vous, Marius, vous avez chanté, figurez-vous. J'attends la chronique avec impatience. Attendez, on écoute un peu ? Oui, quand même. Ton fils, ta femme, transit, escale, passeur, sirène. C'est joli. Si loin le phare, les bras devant, ta chair, ton sang. Moi, j'aurais dit que c'est typiquement français, ça, c'est la scène française. Oui, c'est comme un bar de Belleville décoré par Stark. Voilà. Il bosse énormément hein, ce week-end Star. Dans la catégorie pop-rock, alors on se désolait du manque de francophonie. Comme d'habitude, c'était hier, on avait des vrais problèmes. Les chanteurs, les rockers ne chantaient pas en français. Ils chantaient en anglais. Et ce sont 5 Bruxellois de Great Mountain Fire qui remportent le prix avec un son moitié hippie, moitié psyché. On est heureux à Bruxelles, on est hier. Sympa comme. Ouais, j'aime bien. Moi, ça va, non ? Et là, moi, vous nous proposez que des gagnants. Oui, que des gagnants. Hier. Ah, vous êtes vache. Hier, à Bruxelles, on faisait aussi comme chez nous, on inventait la catégorie musique urbaine pour les chanteurs de couleur. Hein. Musique urbaine, c'est quand on est un petit peu comme Samir. Urbain, Samir. Il dit bonjour en rentrant dans le bureau. Et c'est l'artiste belgeo-congolais Balodji qui gagnait avec 64 Beats and Malachit. C'est pour vous, Marius. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est bien. Ah, Marius. Allez. Kidordine. Ah, j'aurais jamais pensé à faire un titre sur Kidordine. Ouais, c'est qui boit Dine maintenant. Qui boit Dine. Un artiste belgo-congolais, donc. Belgo. On dit pas belgeo ? Non. On dit belgo ? Je l'entends souvent dans les médias français, c'est belgo-congolais. Ah, merci beaucoup, Charlie. Ça servira pour les jours à venir, hein, mon cher confrère. On dit belgo, s'il vous plaît. Voilà, c'était hier soir. Vous souvenez, on était léger, on était tranquille, on avait envie de faire la fête. Rappelez-vous, trouvez ça dans votre corps et dans votre cœur. Vive la fête. Et on reste insouciant. Hier soir c'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour la physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a beaucoup de fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrête, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettaient. C'est comme les marécages, l'on va avancer. Tous les jours des fêtes. la fête. C'est un groupe belge, flamand. C'est le titre, c'est Nuit Blanche, le groupe Vive la Fête. C'était la chronique de Mélanie Boer. Vive la Fête, c'était hier, c'était l'insouciance. On la garde un petit peu en nous encore. Et c'est demain, à partir de demain, ça recommence. Et bah bien sûr, voilà. Bah oui. Vous êtes sur France Inter, avec toute la bande d'Annule Tout. On passe simplement une heure avec vous, à se faire du bien, à penser à la Belgique, et puis à continuer à être rigolard, toujours debout, avec notamment On ne change rien, Guillaume Meurice, qui a évidemment trouvé à asticoter quelqu'un aujourd'hui, coûte que coûte. Mais bien sûr. Ça ne changera pas. Mais non, chronique spéciale attentat aujourd'hui, évidemment, puisqu'on va parler de ces cons de terroristes. Alors, je ne parle pas de leur activité, hein. C'est vrai qu'on critique souvent les jeunes en disant « Ah, ils s'engagent pas, ils sont mous ». Bon, là, on peut leur reprocher plein de trucs, mais certainement pas l'abnégation, hein, le dépassement d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on leur dit « Mais reste pas enfermé, sors un peu, va t'éclater avec tes copains hein. ». Et on ferait mieux, des fois, de bien fermer sa gueule. Non, je parle de leur cible. Les mecs s'en prennent à la Belgique. Voilà des gens bien mal renseignés. Des gens qui ignorent que la Belgique est la patrie de Johnny Cadillac. Johnny Cadillac, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, hein, c'est un Belge donc, et c'est un sosie de Johnny un peu particulier, qui a une grande passion dans la vie. C'est la bagarre. Voilà, c'est la baston, la bonne grosse baston qui fait bien plaisir. Alors, on peut trouver pas mal de ces vidéos sur Internet. Hein, je vous les conseille formidable, d'ailleurs vivement. Formidable. Pour vous donner une idée du personnage, voici un extrait. Sur 30 ans, j'ai eu 48 condamnations pour coups et blessures volontaires. Ça, c'est celle que je me suis fait choper par les flics. Les autres, que je ne me suis pas fait choper, on n'en parle pas, tu vois, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. Voilà, hein, donc les djihadistes ont pris le risque insensé d'énerver Johnny Cadillac. C'est pour vous dire à quel point les types n'ont plus rien à perdre. Alors moi, je l'ai appelé tout à l'heure, Johnny, pour lui demander comment il réagit face aux attentats. C'est en partie du moment où on tue mes concitoyens, je suis pas bien dans ma peau, c'est normal. Ouais. Mais bon, moi j'habite dans les bois et c'est vrai que là où je suis, je risque pas grand chose. Il y a à moins que j'ai des écureuils islamistes. Il y en a. Bon, c'est possible, hein. Ils ont pas la barbe, mais ils ont une grande queue, quoi. Johnny a des écureuils à grande queue dans son jardin, mais pas de djihadistes. Hein. Donc les mecs sont peut-être pas si cons que ça. Contrairement aux écureuils, qui feraient bien d'arrêter de narguer Johnny avec leur grande queue. Mais ce qu'on attend tous aujourd'hui, évidemment, ce sont les conseils de Johnny pour éliminer la menace terroriste. Alors on veut évidemment sa solution pour combattre toute cette violence. Armez-vous tous. Ah ouais, c'est votre conseil vraiment ? Oui, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai l'impression que ça va seulement commencer. Et j'ai l'impression qu'on va être obligé de revenir du temps des Cowboys. La loi du talion, tu me fous une balle, je te fous une balle. Quoi, ouais. Et ouais, c'est reparti pour Cowboys. Le temps des Cowboys. Hein. Armez-vous les uns les autres, nous dit en substance Johnny dans un mélange de Jésus-Christ et de Donald Trump. D'ailleurs, pour donner l'exemple, pourquoi lui n'irait-il pas combattre directement Daesh ? À 66 ans, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Ah, je sais pas, vous avez l'air d'être quand même bien entraîné, bien équipé, bien affûté. Oui, bah bien sûr, mais bon, j'ai 66 volets, quoi. Le jour où j'ai des djihadistes qui montent dans mon terrain, parce que j'ai 4000 mètres carrés, moi, la Kalachnikov, elle est prête. Hein. Ah voilà, ça je me disais aussi, 66 volets ou pas, ça m'aurait étonné que Johnny lâche l'affaire comme ça. Alors Johnny, sa vidéo la plus connue sur Internet, c'est celle où il parle de sa pratique de l'huracan. Alors c'est selon lui le coup de poing le plus rapide du monde. Alors peut-on combattre l'extrémisme religieux avec un huracan ? Mais l'huracan, c'est un des coups des karaté, bon, ce n'est pas le seul. Disons que c'est un truc qui m'a servi dans mes bagarres de rue quand j'étais jeune, quand j'avais 15-20 ans. Hein. Et ça ne peut pas servir contre un djihadiste ? À condition que ce soit un djihadiste qui ne porte pas encore la barbe. Parce que la parade contre l'huracan, c'est la barbe ? Non. Une question, excuse-moi, c'est une question un petit peu ridicule, mais bon. Oh là, doucement, Johnny, parce que moi, je dis excuse-moi quand même. Ouais, je suis débutant hein, en matière de violence. Attention, disons que vu mon physique, je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais l'important, c'est qu'il y ait un Johnny Cadillac qui existe et qui puisse nous défendre tous. D'ailleurs, pourquoi pas Johnny Cadillac au pouvoir ? J'aimerais bien, parce que je ferais changer pas mal de choses. Ah, qu'est-ce que vous feriez alors ? Oh, bah écoutez, déjà, je ferais partir tous ces politicards qui nous mettent de la graisse d'oie dans les yeux et sur les bras. Hein ? Ils vous mettent de la graisse d'oie sur les yeux et sur les bras ? Mais oui, mais qu'ils arrêtent de nous mettre de la graisse d'oie sur les yeux et sur les bras, partout de la graisse d'oie, on en a marre. Voilà, Johnny président, c'est ça que je dis, c'est ça qu'on veut. Allez Johnny, en avant, parce que qu'est-ce qu'ils font les politiques ? Ils suppriment des gens du chômage pour pouvoir avoir des thunes pour payer ceux qui payent pour les immigrés, bien sûr. Oui, mais les migrants, ils fuient la guerre quand même. Je suis d'accord. Mais bon, pourquoi est-ce que ces gens-là ont plus de droits que les Belges dans un pays comme la Belgique ? Voilà, alors on n'est plus très sûr en fait de vouloir Johnny Cadillac comme président. On préfère quand il nous donne des conseils de bagarre que quand il nous parle de solidarité. Parce que les migrants qui arrivent en Belgique militent pour le même droit que ceux qui y sont nés, celui de, comme dirait le vrai Johnny dans une de ses dernières chanson, Rester vivant. Merci Guillaume Meurice. Johnny Cadillac, dont nous on est fans hein, au bureau. Ah ouais. Non, mais vraiment, mais oui, on l'embrasse d'ailleurs. Moi je l'embrasse très fort, on l'aime beaucoup. Pas de l'idéologue. Non, pas voilà. Non, bien sûr. Plus sur les conseils bagarres que voilà, politiques. Les conseils bagarres. Voilà. Du patron de l'Uraken. On vous conseille d'aller voir les vidéos de Johnny Cadillac sur le. Parce que pour le self-défense. Ah, sur le Gadon Barra, il y a le Uraken. Moi-même, je connais le Gadon Barra grâce à Johnny Cadillac. Grâce à ses vidéos, il a été comédien, il a tourné dans un film et il en voit quand même. Il a un peu ce grain de voilà Johnny hein, quand au téléphone il fait des concerts encore hein. Ah ben voilà, on peut lui faire de la pub, allez voir sur son site internet, allez le voir en c'est concert. C'est un Belge mis à l'honneur aujourd'hui, donc évidemment. Pas pour ses idées on l'a dit, non. Mais pour son Gadon Barraï donc voilà, hein. ça c'est alors il y a un petit peu de philosophie Jean-Claude Van Damienne dedans. Oui. Et la philosophie bruxelloise. Non mais la philosophie bruxelloise c'est quelque chose. C'est important. C'est comment est-ce qu'on pourrait la définir, Alex Vizorek, vous qui vivez à Bruxelles. Jean-Claude Van Damme est né à Molenbeek si je ne me trompe pas. Oscarbeek, c'est l'un des deux. Oui, il a sa statue d'ailleurs. Oui, sa statue Anderlecht, Charlie. Vous n'êtes pas précise. Mais la philosophie Jean-Claude Van Damme, ne me regardez pas comme ça, Juliette Arnaud. On est capable de cela, c'est aussi ça la Belgique. C'est pas parce que vous êtes malheureux que vous devez dire n'importe quoi. C'est vrai. Mais enfin, bon Alex Vizorek, vous qui vivez depuis si longtemps à Bruxelles, il y a une sorte de philosophie bruxellaire. Alors, une espèce de... C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui me manque le plus à Paris, c'est de m'asseoir dans un café et d'écouter. Et qu'importe le quartier de Bruxelles, de Uccle, où effectivement on parle un peu comme des anciens bourgeois, à Molenbeek, où c'est plus du vrai bruxellaire, au centre-ville, tout ça, il y a une philosophie du bon sens. Ah, ça, on aime beaucoup. Voilà. et qui est vraiment et touchante et poétique à sa manière. Donc, je suppose que vous avez ça en boutique. L'un des représentants est Naburois. Bah bien sûr. Mais c'est Benoît Poulvorde et vous explique un petit peu toute cette belgitude à travers la philosophie bruxelloise. Allez, c'est parti, écoutez. On m'avait demandé un jour de décrire ce que c'était quoi l'esprit belge. Et je dis, un jour, j'étais dans un café et il y a un type qui était là depuis. Parce que chez nous, on remarque que vous avez chez vous certainement des mecs qui arrivent à 10h du matin qui partiront à 6h, quoi. Et qui sont au bar. On était dans l'après-midi, 2h, c'est l'heure normalement du break, mais pas pour lui. Tout seul, le truc est vide et tout ça, et on entendait chez nous en Belgique, ça s'appelle Musique 3, c'est comme chez vous, je dirais, classique. Tu vois, c'est la musique classique en permanence. Et t'as la musique qui passe comme ça, le type est là, mais il parle pas ce mec, il est... Tu sais, c'est dans sa solitude de l'alcool, et puis... À un moment, la femme désannonce, c'était le concerto numéro 3 de Mozart en U majeur. Et puis le gars relève sa tête et il fait « Mozart, c'est un imbécile. » Il n'y a aucune raison, tu vois. Pour ça, j'avais envie de parler. « Mozart, c'est un imbécile. » Et il est replongé dans sa bière. Et j'ai dit « C'est ça. » Et tu vois, quand tu as l'accent bruxellaire, il avait envie de dire du mal de quelqu'un. « Mozart, c'est un imbécile. » Alors tu peux dire « Je n'aime pas Mozart » ou « Mozart, tu vois, c'est... » Mais « C'est un imbécile. » Tu dis « Bah, pourquoi Mozart est un imbécile ?» Ben, il ne le pense pas, mais il avait envie de dire « Mozart est un imbécile. » Et ça m'a toujours fait hurler de rire. C'était Benoît Poulvorde. Et ce fameux bon sens bruxellois. Alors, autour de cette table, Alex, qui est venu avec nous pour passer ce moment ensemble ? Alors, je vous les donne tous parce que merci à eux, on les a appelés pour certains en dernière minute. Merci Mélanie Bauer, merci Juliette Ardo, merci Marius Colucci, merci Samir Boidy et Guillaume Meurice et son ami Johnny Cadillac. Moi, je suis venu parce que j'étais payé. Oui, c'est pas ça que vous avez senti que j'ai laissé un temps entre les quatre autres. Voilà, merci. Moi, c'est le mort kilomètre. Hein. Si c'est de l'autre côté de la frontière, ça me concerne pas. Samir Boidy est venu au pied levé nous parler d'une autre icône. Bah oui, parce que je voulais vous parler de sport aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est comme péter dans une mosquée, vous voyez, c'est moyen, ou dans une église, hein, c'est pareil, c'est le même truc, faut pas trop faire ça. Alors, je vais vous parler de Raymond Goethal, ça, parce que c'est un peu pour moi l'homme du jour, Alex, hein, tu l'as bien connu, tu l'as aimé, tu l'as idolâtré. Tu l'as rencontré, en plus, parce que Goethal, d'abord il est belge, hein, ça on l'aura compris, ensuite surtout parce qu'il parlait peu, hein, l'homme en question. Mais c'est un qui peu... Alors je vais te dire, hein, je vais te dire très vite qui c'était un immense entraîneur de football, hein, d'ailleurs qui a qualifié l'équipe de Belgique à deux reprises en phase finale de Coupe du Monde et surtout qui a donné à une équipe française de football une Ligue des Champions en 93, on en parlait il y a quelques jours ici, en l'occurrence Marseille. Ça reste le seul. Ça reste le seul, absolument. Et alors, il faut se souvenir de son duo Tapie-Guettal, c'était vachement bien, c'était un peu la classe. D'un côté, il y avait l'émotion, la Attendez, je vais faire un test. Marius Colucci, vous connaissiez Raymond Guettal. Ah, oui, bien sûr. Je voulais juste... Il avait à petit peu près la coupe d'Alex, d'ailleurs, maintenant que j'y repense. C'est vrai, vous avez raison. Et à mon avis, quand on parlait de Tapie à Guettal, il devait dire Guettal, Tapie, c'était un con. Mais c'est vrai, c'est pas faux, parce que d'un côté, il y avait ce Bernard Tapie qui était l'émotion, l'empathie, le sourire, la manipulation en permanence, le côté je te touche, je te caresse. Et puis il y a Raymond Guettal, très technique, très froid, avec sa clope au bec. Il avait de l'humour aussi, un humour belge finalement, cet humour qu'on cherche toujours à définir et que vous, Charline et Alex, le bon goût de jamais théoriser, hein, de peur qu'on vous pique la recette, bande d'enflure, bref. Alors, ça n'existe pas, Samir, la Belgique n'existe pas. En fait, la bonne blague de Raymond Guettal, c'est d'avoir fait croire qu'il n'y connaissait pas grand-chose en foot, histoire de bien enfumer les autres et de bien gagner, ne jamais se mettre en avant, c'était un peu sa philosophie, et se faire lunaire au point d'irriter les spécialistes. Bref, ce matin, alors, comme tous les couillons que j'étais... On dirait vous, c'est dingue. C'était un peu moi, finalement. comme tous les couillons avachis devant les chaînes infos, ce matin, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Toujours la même question. Pourquoi ? Et finalement, j'ai pensé à Raymond. Raymond la science. On l'appelait Raymond la science, Guettal. C'est mort en 2004, hein, pour la petite histoire, avec son secret. On l'appelait Colombo. Alors, Colombo, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il savait des choses et on savait à quel point il en savait plus sans le dire vraiment. Alors, pas d'émotion chez lui, hein. Pas de récupération, pas de frime. Un vieux bonhomme au centre d'un star system qui se promène avec son impair. Vraiment, il y a du Colombo, quoi. La clope au bec, hein, pour jamais la ramener. Raymond la Guettal, c'est sans doute celui à qui la France du foot doit le plus pour ce qui est du foot, c'est clair. C'était lui le premier, le meilleur. Et on pourrait aussi invoquer ses mannes éternelles et lui poser la question pourquoi. Je crois qu'il répondrait par un silence lourd de sens et poserait à son tour une question. Avec l'accent, je vais tenter de le faire. Désolé, quand Marion Maréchal Le Pen dit qu'avec le Front National, il n'y aurait pas eu le 13 novembre, et c'est-à-dire qu'on serait passé du 12 au 14 directement. Voilà. Il aurait fait ça. Il aurait dit ça, oui, c'est vrai. C'était son don à lui. Alors, je paraphrase son humour parce que je suis pas à son niveau, n'ayant pas la recette. Et je me dis que quand tout va mal, le mieux, c'est quand même de parler à ceux qui ont la chance de pas être là aujourd'hui. Parce que c'était quand même mieux avant quand on voit tout ça. C'est une fuite, c'est ma fuite, c'est la mienne. Et vive Bruxelles, mes petits copains, vive Bruxelles et son petit bonhomme qui pisse partout. Pas comme Jacques Brel sur la tête des femmes infidèles, mais comme les autres sur la tête des hommes fidèles, trop fidèles, mais fidèles à quoi? Merci Samir Bouadi. Et la petite anecdote sur Guettal, c'était qu'il a entraîné Cantona à Marseille. Oui. Et ça passait pas entre les deux du tout. Et à un moment, il a mis Cantona sur le banc. Et Cantona est venu, il a dit mais Guettal, on ne met pas Cantona sur le banc. Il a regardé, il a fait, tu sais Eric, si tu veux, tu peux t'asseoir à côté du banc. C'est ça la Belgique. L'autre est parti à Manchester. A fait une belle carrière après. Hein, Et voilà, le tout sur France Inter. On a tout annulé. Et on est simplement passé du bon temps ensemble, respirer. Et puis notre devise, c'est puisque le malheur nous accable, avalons la douleur, buvez un coup avec nous, vous derrière votre poste, on vous entend, chez nous, tranquille. On trinque avec dans vous. Dans votre voiture. Et vous savez, au nord du nord d'une autre, il y a les Pays-Bas, il y a Dick Angard, et il nous parle d'un tout petit pays. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pour pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Wow, Dick Annegarn, Ubu, dans un tout petit pays, aussi plat qu'un plat, petit comme un confetti. J'adore ce chanteur, moi, personnellement. Moi aussi, ouais. Il a fait que des tubes extraordinaires. Bon, alors, ils sont pas tous aussi gays que celui-là. Hein. Mm-hmm. Celui-là, c'est un des très bons, quand même. Et je vous recommande, d'ailleurs, si vous n'avez pas la patate aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs, on s'en fout, je vous recommande une chanson qui s'appelle Va, de Dick Annegarn, qui donne vraiment envie d'aller et de faire plein de choses. Dick Annegarn, que les Flamands traiteraient de Keiskop. Qui est la façon qu'ils appellent les Hollandais, ce qui veut dire tête de fromage. Keiskop. Et non pas kaléidoscope. Vous êtes sur France Inter, on est ensemble, on se tient au chaud dans l'intimité de la radio en ce jour funeste, mais on a décidé de rester droit, rigolard, et de prendre le dessus sur les événements, avec notamment de la belgitude. Alors vous savez qu'il existe un humour bruxellois, flamand, liégeois. Est-ce que vous connaissez l'humour wallon? Eh bien, aujourd'hui, vous allez le découvrir, vous allez voir, c'est apaisant, c'est comme un baume. Il s'appelle Jean-Michel de Bénezé, il sévit sur la RTBF, accrochez-vous. Il y a des fois, je me demande si je n'ai pas un aimant dans le dos pour attirer les affaires. Hein, allez, j'étais à l'Amicale, là, où on va jouer aux cartes et sur Internet et tout ça. Et alors, il y en a un, il faisait son anniversaire et il avait amené une tarte. Et il me donne le couteau, il dit, tiens Jean-Michel, découpe. Moi je n'aime pas, hein, moi, parce que j'aime bien donner le même morceau à tout le monde. Et je compte autour de la table, on était 9. Je dis, aïe aïe aïe, ça commence bien. Ça commence bien. Mais il y a toujours une solution à tout. Hein. Ça fait que j'ai dit bien fort, pour que tout le monde me comprenne. Moi je ne suis pas bien aujourd'hui, je n'en mangerai pas. Comme ça, je retombais avec 8 parts. Hein. Et il y en a là-dedans. Hein. Et alors, il y a Gustave, le cougnet du village à côté. Il ne vient jamais aux réunions. Mais il était là. Et il dit, oh, moi, je ne peux pas manger de sucre, je n'en mangerai pas. Oh, j'étais retombé à 7. Je me dis, Jean-Michel, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, j'ai redit de nouveau bien fort. Oh, ben, finalement, ça ne saurait pas me faire de tort. Je vais quand même la manger. Donc, j'étais retombé à 8. Bon, enfin, sur ça, près dans ma vie, n'a quand même tout dit que ça, quoi, qu'il va naître. Jean-Michel! Du 100% belge. Humour wallon, donc. On a raccourci le sketch parce que l'ami redit qu'en fait, il en prendrait bien un morceau et il repasse à 9. Mais évidemment, vous n'étiez pas prêts, les Français, il faut y aller par petites doses. Oui, j'ai pas tout compris de la dernière phrase. Vous avez une traduction. Il y a tout dit quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est du wallon. Ah ouais, voilà. Merci. Aujourd'hui, une émission où on a des amis, de la musique, des bières, de la radio. C'est déjà ça, c'est le meilleur cocktail pour passer cette journée. Et il y a un ami qu'on a appelé qui s'appelle Marius Colucci, alias Coluccipedia, qu'on a pris comme ça un petit peu. Marius, est-ce que vous pouvez venir avec nous autour de la table et vous n'avez pas hésité une seconde. Moi, j'étais très content d'être là. D'ailleurs, je suis venu en portant les couleurs de la Belgique. C'est parce vrai. Que ça me semblait important, même si c'est à la radio. C'est pas grave, c'est pour le cœur, c'est pour nous. C'est pour vous, ça Alex, vous Charline. Ça, oh, vous merci Marius. Ça me fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai mis un slip au même coup, mais je ne vais pas le montrer. Montre-le, c'est important pour la radio. Ça va Allez, nous faire des likes sur les réseaux sociaux. Alors, non, je perds un peu de temps parce que je sens que ma chronique est très très longue. On va vous aider. On va vous aider, on est spécialiste. Allez-y. Donc voilà, moi il y avait effectivement, je connaissais pas bien la Belgique quand j'étais petit, hein, pour moi c'était des blagues effectivement que mon père faisait beaucoup en disant que c'était les Suisses, ça c'est. Mais je connaissais assez peu et en fait la première fois que j'ai découvert que la Belgique n'était pas une sous-région de la France mais vraiment un pays à part entière, eh ben c'était pendant la loi en Belgique contre, enfin pour l'avortement, où il se trouve que le roi Baudouin, donc qui était roi jusqu'à sa mort. C'était il n'y a pas si longtemps. Il nous a quittés trop tôt. Il n'a pas été roi après, c'est vrai. Non, c'est rarement. C'est étonnant. Charlie Hebdo avait titré « Le roi des cons est mort ». Eh ben oui, mais justement, il n'a pas fait que des conneries. Et parce que ce type qui, quand même, lui, défend, avait été d'ailleurs intronisé sur des valeurs très, très chrétiennes, notamment très catholiques, eh ben lui, ça lui posait un problème de ratifier cette loi sur l'avortement parce qu'il n'y croyait pas du tout. Mais en même temps, le peuple avait très envie de ça et puis lui c'était le roi du peuple des Belges, alors il était très emmerdé, donc ils se sont cassés la tête, ils se sont dit comment on peut faire pour que cette loi passe quand même. Oui, parce que le roi doit contresigner chaque loi et voilà le roi doit moralement contresigner la loi. La monarchie, madame. Mais quand il n'est pas d'accord, il est emmerdé. Et puis, on est en monarchie, bordel de merde. il s'est rangé du côté du peuple. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé une possibilité dans la loi. Ils ont décidé qu'il allait abdiquer. Donc, il a abdiqué le 3 avril 1990. Alors, moi, déjà, un roi qui abdique, ça, je trouve ça super, quoi. Surtout quand c'est pour faire plaisir à son peuple. Du coup, le 4 avril, ils ont voté la loi pour l'avortement. Décidément, j'y tiens. Et le 5 avril, il a été réintronisé dans son rôle de roi. Et ça, je trouvais ça très, très classe, que lui dise, moi, j'ai pas envie de ratifier cette loi, mais j'ai quand même envie qu'elle passe pour mon peuple. C'est je me retire de la vie politique pour une journée. Ouais, c'est ça. C'est la mini traversée du désert. Oui. On peut quand même dire qu'il était quand même con de ne pas vouloir signer la loi. Oui, on peut le dire. D'autant qu'en 1990, on peut quand même dire que c'était le roi des cons. Je suis d'accord, mais c'était sa conviction. Et d'ailleurs, finalement, le peuple l'a beaucoup aimé parce qu'il a été nommé homme de l'année cette année-là, en 1990, en Belgique. Heureusement que GQ Magazine n'existait pas encore. On est très déçus, Marius. Ça commençait très bien. Et là, en fait, on se rend compte que Marius est vraiment pas un mec bien du tout. Ah non, je suis énorme. Merci, Marius. Mais voilà une petite tranche de Belgique au pied levé par Coluccipédia, Marius Colucci. Allez, pour aller tout doucement vers 18h, on vous propose une tranche qui s'appelle Striptease. Oui. Où il y a un message, c'est à la fois rigolo, souriant, et il y a un petit message de paix derrière. Alors, on avait envie de l'écouter avec vous. Comment tu l'écris ? Un havre. Non, un havre. Un havre. Un havre. Un havre. Ouais. Pas faire la liaison. Un havre de paix. Un havre de paix. Vas-y. Un havre de paix. N'aie pas peur. On commence. Hein. Paris, nous l'oublierons pour faire de Et voilà, un havre de paix. C'était les répétitions de Sandra Kim. Mais oui, évidemment. Merci les amis d'être venus avec nous autour de cette table. C'est pour certains au pied levé. Autour de la table, il y avait... Tous les amis, c'est Mélanie Bauer, c'est Juliette Arnaud, c'est Marius Colucci, c'est Samir Bouadi et c'est Guillaume Meurice qui est un ami en fait. Et merci à Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek de nous accueillir. On est bien content d'être aujourd'hui dans avec l'ambassade vous de Belgique sur France Inter. Merci à tous, on va bien sûr se retrouver demain. Et voici tout simplement, avec tout notre cœur, le mot de la fin. La Belgique est un plaisir et doit le rester.